Une partie de pêche par André Theurier. Le commis de la direction des domaines à Tours était un bonhomme d'une soixantaine d'années, petit replet, la bouche en cerise, l'œil éveillé et luisant, ayant une ponctualité de régulateur et toutes les maniaqueries d'un vieux garçon. Légèrement porté sur sa bouche, comme tous les tourangeaux, il ne boudait pas près d'un bon plat, mais sa maîtresse passion était la pêche à la ligne. Il s'appelait Chabot, un nom prédestiné, car c'est celui qu'on donne en Touraine à un poisson blanc qu'on nomme ailleurs le meunier. Dans ce pays, arrosé par de nombreuses rivières, le bonhomme Chabot trouvait amplement de quoi satisfaire ses goûts, ayant apporté la Loire et le Cher, sans compter les affluents du voisinage, la Cisse, où frétille le goujon, et la Roumère, où abondent les crevisses. Personne mieux que lui ne savait choisir une bonne place, ni confectionner adroitement la boule de terre glaise et de verre destinées à amorcer le poisson. Il connaissait par le menu les divers appâts employés par les pêcheurs. Le blé cuit pour le gardon, la cerise pour la brême, le gruyère pour le barbeau, la mouche de mai pour la truite, etc. « Monsieur, me dit-il un jour, il y a des nigauds qui prétendent que la pêche est un plaisir monotone, engourdissant et sans grandes émotions. Ces gens-là parlent sans savoir, car, pour ce qui est de moi, c'est à la pêche à la ligne que je dois la seule aventure qui m'est émue violemment. Un dimanche, il y a de cela une trentaine d'années, j'étais allé pêcher sur les bords du Cher, aux environs de Saint-Avertin. Il faisait un temps de Pentecôte. Un peu chaud, mais rafraîchi par le voisinage de l'eau et par une petite brise. Je m'étais installé à une place excellente, un creux de gazon, entre deux bouillées d'aulne, où j'étais assis comme dans un fauteuil. À mes pieds, l'eau, d'un vert brun, coulait tranquillement en formant de petits entonnoirs. Sur l'autre rive, tout en surveillant mes lignes, je voyais les prés étaler au soleil leur herbe grasse, fleurie de marguerites et de coquelicots. J'entendais de temps à autre les cloches d'Azay et de Saint-Avertin qui sonnaient les vêpres, et j'éprouvais une douce quiétude en songeant que c'était dimanche, que j'avais tout un long après-midi de congé à moi, et qu'aucun voisin fâcheux ne viendrait me déranger dans mon passe-temps favori. J'avais malheureusement compté sans mon hôte. Vers 3 heures de relevé, voilà que je vis déboucher de derrière les peupliers un couple qui vint se placer de l'autre côté de ma bouillée d'aune à 10 pas en amont. C'était un monsieur entre deux âges, accompagné d'une dame encore jeunette et fort bien, ma foi. Le monsieur, rasé, vêtu de noir, avait la mine correcte et la tenue d'un magistrat. La dame, en robe de toile grise, coiffée d'une capote de paille garnie de rubans bleus, était blonde, blanche, grassouillette et très sémillante. Ils avaient apporté un pliant, où le mari fit asseoir sa femme, puis il ajusta une canne à pêche toute neuve, arrangea les hameçons et la passa à la dame. Rien qu'à examiner la façon dont ils s'y prenaient tous deux, je vis que j'avais affaire à des novices. « Bon, pensai-je, ce sont des amateurs, ils ne me porteront pas grand préjudice, pourvu qu'avec leur bavardage, ils n'aillent pas effaroucher mon poisson. » Je ne m'étais pas trompé. Ils n'entendaient rien au métier, et la jeune dame avait beau renouveler les verres des hameçons, ça ne mordait pas. Moi, au contraire, j'étais en veine, et presque toutes les 5 minutes, je voyais en retirant ma ligne un poisson frétillé, vif comme argent, à l'extrémité de mon crâne Florence. En moins d'une heure, je mis dans mon panier tapissé d'herbes fraîches 3 brèmes, 4 meuniers et 2 barbillons, sans compter le fretin. Mes voisins, eux, ne prenaient toujours rien. Tant qu'à la fin, la jeune dame, dépitée, jeta sa ligne et vint rôder curieusement autour de moi. Juste au moment où elle arrivait derrière mon dos, ça mordit bellement. Je donnai du fil, puis, tirant ma ligne en douceur, j'amenai hors de l'eau une perche d'une livre et demie, que je pris un malin plaisir à laisser sautiller sur le gazon avant de la mettre au panier. « Oh ! S'écria la jeune dame et Bobby, quelle belle pièce ! » Puis, d'une voix insinuante, s'adressant à moi, « Monsieur, demanda-t-elle, comment faites-vous pour pêcher tant de poissons, tandis que nous autres, nous n'avons pu attraper une ablette ?» J'étais jeune alors, et bien que les femmes m'aient toujours intimidée, je n'étais pas insensible à un joli minois. Je répondis donc le plus galamment que je pus, « Mon Dieu, madame, c'est que vous vous y prenez mal. La pêche à la ligne est un art plus difficile qu'on ne pense. » Mais si vous voulez suivre mes conseils, je vous ferai voir du poisson, Tenez, asseyez-vous là, je vais vous préparer votre ligne. » Sur un appel de la jeune femme, le mari apporta la canne à pêche. J'apprêtais moi-même avec soin les hameçons et j'enseignais à mon élève les tours du métier qu'elle paraissait complètement ignorer. Après quelques leçons, elle manœuvra passablement. La place était bonne et le poisson se laissa prendre. Ah, dame, ce ne fut pas une pêche comme la mienne, mais pour une débutante, c'était déjà très honorable. Une douzaine de gardons et autant de vandoises. À chaque heureux coup de ligne, la petite dame riait comme une enfant, battait des mains et se retournait d'un air triomphant vers son mari, qui souriait gravement, paraissait très heureux de la joie de sa femme, et me remerciait avec une politesse cérémonieuse. Cependant, la soirée avançait. Vers 6 heures, nous nous levâmes, et je me disposais à prendre congé, quand la jeune femme courut à son mari et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Il l'écoutait d'un air méditatif, un peu effaré. Au bout d'une minute, je les vis revenir vers moi, et ce fut la dame qui prit la parole. « Monsieur, me dit-elle, vous avez été trop aimable pour que nous vous quittions de la sorte. C'est grâce à vous que nous avons pris du poisson. Il est bien juste que nous le mangions de compagnie. Voulez-vous nous faire le plaisir de dîner avec nous ?» Le monsieur, vêtu de noir, après avoir approuvé gravement de la tête, avait fini par insister lui-même. Ils y mettaient tous deux tant de bonne grâce que j'acceptais, et nous gagnâmes Saint-Avertin. Aux Trois Pigeons, le mari demanda un cabinet et commanda le dîner. On nous servit dans une chambre haute, dont les fenêtres donnaient sur le jardin plein de cerisiers, au-delà desquels on apercevait une île du Cher, où des peupliers frissonnaient avec un petit clapotement frais. Nous donnâmes tous trois un fort coup de dent, l'air de la rivière nous ayant aiguisé l'appétit. La chair était choisie et plantureuse, on nous avait cuisiné une succulente matelote avec nos poissons, ajoutez-y une volaille rôtie, des asperges et une tarte, le tout arrosé d'un vin de Vouvray qui sentait la violette, et vous conviendrez que je n'étais pas trop malheureux à côté de cette jolie dame qui riait constamment en montrant des dents blanches comme des amandes et qui ne laissait pas un instant mon assiette ni mon verre vide. Le mari était moins jovial. Il avait un sourire contraint, et le vin de Vouvray n'eut pas le don de lui délier la langue. À certains moments même, il paraissait presque gêné. Je m'étais chargé de dépecer la volaille, et tout en aiguisant mon couteau contre ma fourchette, je m'écriais gaillardement « Passez-la moi, ça me connaît, je vais proprement lui couper le cou !» Je fus étonné du peu de succès de ma plaisanterie. Le mari rougit jusqu'aux oreilles, la jeune femme devint pâle, il régna dans la chambre un mortel silence. Ils étaient du reste tous deux très réservés sur leurs affaires. J'avais beau les questionner adroitement, car vous comprenez que j'étais curieux de savoir avec qui je dînais, ils ne me répondaient que d'une façon évasive. Tout ce que je pus apprendre, c'est qu'ils ne faisaient que passer à Tours et qu'ils habitaient Orléans. Il n'est si agréable compagnie qu'ils ne doivent se séparer. Quand nous eûmes pris le café, la nuit tombait, et l'on songea au départ. J'avais fait honneur au repas et j'étais très gai. Avant de me retirer, je les remerciai chaleureusement de leur hospitalité et leur déclarai que jamais société ne m'avait été aussi agréable que la leur. Cela fit sourire la jeune femme et je tendis cordialement la main au mari qui, après un moment d'hésitation, la serra dans la sienne. Je n'oublierai jamais la sensation étrange que me causa l'étreinte de cette main glacée et de ses doigts durs comme de l'acier. « J'espère que nous nous reverrons un de ces jours, m'écriai-je en le quittant, et que j'aurai l'occasion de vous rendre votre politesse. »« Je ne le crois pas, me répondit-il avec un accent singulier, nous quittons Tours demain matin. Adieu, monsieur. » Je ne les revis plus en effet à Saint-Avertin, où je retournais assidûment tous les dimanches. Mais je pensais souvent avec sensualité à ce bon dîner aux Trois Pigeons. J'en racontais souvent les détails aux camarades et j'en avais chaque fois l'eau à la bouche. 3 mois se passèrent. Un jour que j'étais au bureau, très affairé à mes écritures, quelqu'un entra et me présenta par le guichet un mandat à viser. En ce temps-là, nous visions encore, pour non-opposition, les mandats de paiement de frais de justice. Je pris le papier distraitement, sans lever les yeux, et je le portai au visa de mon directeur. En revenant, j'eus la fantaisie de le parcourir. C'était un mandat de 300 francs pour frais de transport à payer à M. Bléger, exécuteur des hautes œuvres. Cela me fit tressauter, et, en rendant cette pièce, je regardais curieusement à travers le guichet. Alors, monsieur, quelle ne fut pas mon épouvante en reconnaissant dans le porteur du sinistre mandat mon hôte de Saint-Avertin, le mari de la jolie pêcheuse à la capote bleue. Il se retira sans mot dire, il ne me reconnut pas ou ne voulut pas me reconnaître. Je restai seul, ahuri et tout pâle, devant le guichet désert. Je me souviens alors qu'une exécution avait eu lieu à Loches, l'avant-veille même de ma partie de pêche de la Pentecôte. J'avais dîné avec le bourreau. Vous me croirez, si vous voulez, la frayeur me donna un tremblement tel que, pendant un mois, je ne pus ni écrire droit, ni boucler mes airs. Fin de Une partie de pêche par André Theurier. Enregistré par Christiane Johan.